On va faire une dernière entrevue avec notre ami Guy Saint-Gelin. On devait la faire la semaine passée, faire le bilan de l'année, mais là, on va pour parler de la Coupe Dodge. Mais là, on va le faire sous forme de bilan. On en parle avec le relationniste Guy Saint-Gelin. Et salut, Guy. Salut, Danny. Guy, d'abord, de la manière que j'ai vu ça, le Marcos Pop de Saint-Félicien a bien performé. Hein? Ben, Danny, le Marcos a très bien performé. Faut pas oublier une chose, là. Oui, on a perdu en demi-finale la Coupe d'Oge, mais c'est aucunement décevant de 1. De 2, c'était les deux meilleures équipes midget au Québec qui se pognaient un contre l'autre. Là. Fait que, premier l'Abitibi, deuxième le Marcos Pop. En réalité, là, on pouvait dire que c'était la finale. OK, donc évidemment, ben, mais je suis content. Mais certain pareil qu'on est déçu du côté du Marcos Pop, parce que Jason La Jeunesse, on lui a parlé pendant toute l'année. Lui, c'était la victoire à la Coupe Dodge ou rien d'autre. Là. On doit être déçu pareil. Ben, t'es toujours déçu, Danny. En tant qu'ancien entraîneur, t'es toujours, toujours déçu. Et quand tu décantes, ça va prendre une coupe de peut-être deux semaines à Jason de décanter. Là. C'est pas facile. Là. Ouais. Mais. Il faut que tu fasses ton bilan de la saison. Ils ont gagné partout qu'ils ont passé. Oui. Termine là. Oui, je suis obligé de te dire, Danny, là, que Midget Junior, les tableaux, là, on n'a pas été chanceux au tirage au sort. Okay. On va te dire une affaire, là, autant Midget que Junior, là, ça a été difficile. Là. On tombait pas dans les bonnes parties du tableau, qu'on pourrait dire. OK. Puis du côté des Marquis de Jonquière, je pense qu'ils ont gagné, eux autres, je pense, de la même, j'ai pu voir. C'est sûr que les gens vont me pardonner, j'ai manqué pas mal de bouts. Non, ils ont perdu en demi-finale aussi. Ils ont perdu en demi-finale, OK. Bon, excusez-moi. Oui. Ah, il n'y a pas de trouble. Les Marquis se sont inclinés en prolongation en demi-finale contre l'équipe de Bellechasse, les mêmes qui les avaient battus à tir de barrage en dernière finale des provinciaux. Daniel, l'équipe de Bellechasse, là, c'est un, c'est une super belle équipe de hockey. Deux, c'est la bête noire, pas juste des Marquis de la région. Parce que Bellechasse, là, autant cette année que l'an dernier, ils ont affronté à plusieurs reprises Jonquière et Chicoutimi. Et l'an dernier et cette année, là, il y a eu une victoire là, dans tous les matchs là, qui ont pu jouer à Bellechasse contre une ou l'autre des équipes de Saguenay. Ils ont seulement une défaite. Là. Je pense que c'est sur 7 ou 8 matchs. Là. Okay. Fait que Bellechasse, on peut les considérer comme une bête noire de la région. OK, OK. Donc, évidemment, puis ça prouve que la Ligue est très, très forte. Là, je vais couper court parce que je m'en vais à la radio dans quelques minutes en direct. On va reparler avec le président Pierre Guy la semaine prochaine. Puis, je sais que Pierre écoute. Je te remercie tout de suite, Pierre. Je veux avoir ton opinion sur Robert Val. Guy, comment tu vois ça, toi, en passant, Robert Val, qui joint dans la Ligue scolaire? Là, on parle de D2. Donc, ça va vous toucher, ça? Ben non, parce que ils vont du ils sont plus jeunes. Ils vont du côté plus jeune un peu là. Ouais, mais pour l'an prochain, ça touche pas la Ligue. OK. Ça touche du double lettre, mais pas Midget Junior. OK, OK. Il n'y a aucun, à part le juvenile qui nuit un petit peu au Midget, là. Il n'y a rien d'autre là en tant que tel. Parce que le juvenile, gars, il sort à. C'est 15-16 ans, puis le midget, c'est 15-16-17. Il y a beaucoup de gars juvéniles qui sortent, qui s'en vont soit midget 2B, ou les meilleurs du lot là, demandent des dérogations pour les jouer junior 2A. Okay. Et en tant que tel, la Ligue JMS n'est pas touchée. Robert Val va toucher question de glace peut-être un petit peu, surtout s'il y a une venue de la Ligue nord-américaine. Ça sera pas l'an prochain, la folie, ça sera pas l'an prochain. Ah non, mais je le dis tout de suite, là, regarde, c'est rêvé en couleur. Là. Ben moi, personnellement, j'aimerais ça qu'il y ait une équipe dans la région. Mais il faudrait qu'ils stabilisent leur ligue comme il faut avant de penser à l'expansion. Et j'ai jamais compris pourquoi c'est pas Alma qu'on touche pas Alma à la place de Robert Val. Mais oublie ça, il n'y a pas de marché pour ça à Robert Val. C'est trop collé sur Jonquière, Danny Alma. OK, OK. Vas-y. En terminant, Guy, c'était l'an 1 sans Marcel Maltin. C'est sûr que j'en ai parlé avec Pierre la semaine passée. Il était très satisfait. Dans l'ensemble, ça c'est que. Puis t'étais là quand Marcel était là. Dans l'ensemble, c'est quand même bien terminé. Hein? Ben, le début de saison était difficile, mais c'est pas à cause que Marcel Maltin n'était pas là. Non, mais c'était un icône. Il y avait une présence. Yes. Oui, il y avait une prestance, il y avait une présence. Là, écoute, là, moi, j'ai rien contre le monsieur. Là. Écoute, là, il y a 40 ans de bénévolat dans ce ligue-là, là, ou à peu près. Là. Mais il faut comprendre une chose, que les équipes voulaient du changement. Il faut changer la mentalité de certaines choses. Ça a été difficile en début de saison. Ça a très bien, mais très bien terminé. Ça augure très bien pour l'an prochain. Plusieurs projets sur la table là, qui vont être annoncés là, aux équipes là, à la GA du 12 mai prochain. OK. Pierre va t'en parler un petit peu plus là, lors de la prochaine entrevue. Mais Danny, honnêtement, là, je te dirais là, que septembre-octobre a été très difficile. Là. Mais à partir de fin octobre, là, les équipes, tout le monde a mis l'épaule à la roue. Tout le monde a donné du huile de coude là, dans toutes les équipes. Midget aux juniors là, pour restructurer la ligue. Puis, je pense que la gang à Pierre sont très bien partis. Ce que je trouve plus triste là-dedans, c'est qu'on va retenir quoi de Marcel Maltin? C'est qu'il a été mis à la porte. Au lieu des quarantaines de bénévoles, mais ça... Ça, c'est le problème à Marcel, malheureusement. Oui, hey. Malheureusement, je veux dire, il a peut-être fait un mandat de trop, peut-être c'était son choix, on ne sait pas. Là. Ouais. Mais je pense que ce gars-là, il va falloir qu'il soit honoré, là, parce qu'il en a fait énormément. Là. Oui, c'est sûr. Les foules, avez-vous. Tenez-vous des statistiques si les foules ont augmenté? Vous tenez-tu quelque chose là-dessus? On tient pas. Ben, moi, du côté junior, Danny, je peux te dire que ça a été très difficile côté full. Là, ben ouais, c'est sûr que vous êtes au Saguenay. Ah, mais il n'y a pas juste. Même côté lac, là, tu sais, ben, un, les performances de Alma et Robert Val, tu sais, il n'y avait pas des grosses performances, fait que les foules n'étaient pas grosses. Normandin, ben, toujours égal à eux-mêmes, mais le problème, c'est comme Alma ou Robert Val visitait. En début d'année, ça allait super bien. Mais avec les résultats des matchs un petit peu moins serrés, plus la saison avançait, ben c'est sûr que les foules, ben, ils se garochaient pas quand c'était Alma ou Robert Val, malheureusement. Mais l'an prochain, là, comme je te dis, là, ça, les deux organisations puis la Fédé avec la Ligue travaillent très fort pour que qu'on vive plus ce qu'on a vécu cette année en frais de départage comme ça. Guy, on se laisse, donc on se reparle. Merci de ta collaboration tout au long de la saison. Merci à toi, David, pour la visite. Et on va se reparler. On est là pour ça, pour les organismes de sport. Donc, on sera là dès l'ouverture de la prochaine saison au mois d'octobre. Merci, Danny. Merci à Dan Radio Sport. Guy Saint-Gelais, le relationniste de la Ligue JMS.